cours numéro 4. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه في رسالته الناس النافعة نصيحة لأهل السنة وبعد فإن قد نظرنا في المسائل التي يختلف فيها أهل السنة المعاصرون الذين لا يختلفون عن هوى فوجدناها تقارب 30 مسألة ووزعناها على إخواننا أهل السنة يذكرون إن شاء الله الأحاديث بأسانيدها وينظرون في أقوال الشراح في فهم هذه الأحاديث وإن احتاج إلى نظر في كتب الفقهاء رحمه الله تعالى نظر فيها وبعد الانتهاء إن شاء الله سننشر سينشر في رسالة صغيرة. الشيخ مقبل رحمة الله عليه يقول هنا أن المسائل certains points dans lesquels أهل السنة يختلفون bien sûr sans هوا ولله الحمد il y a plusieurs مسائل que ce soit مسألة الحجاب que ce soit مسائل في الصلاة في رمضان في الحج beaucoup de مسائل لكن الشيخ مقبل رحمة الله عليه قال il y a 30 sujets où il y a خلاف entre أهل السنة Et il a conseillé certains de ses élèves de rassembler les hadiths fi hadhihi al-masail, citer la parole des savants ila akhirah. Et hadha c'est matloub. Tastafid min hadha anta anna 'inda al-ikhtilaf, comme on a cité dans les dorus précédents, s'il y a une divergence, fal wajib ar-ruju' ila kitabillah wa ila sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Fal mas'ala tudras. فلهذا هذا الإمام رحمة الله عليه il a conseillé certains de ses élèves qui avaient la qudra ils avaient les capacités de rassembler les hadiths أقوال العلماء حتى ننظر الحق في المسألة فالحق dans une مسألة خلافية il n'est pas متوقف عند فلان مثلا deux شيخ ils divergent forcément الحق c'est ton شيخ أو mon شيخ أو tel شيخ لا نحن الآن وطع الخلاف بين أهل السنة ننظر الدليل فمثلا مسألة الحجاب est-ce que la femme elle doit se couvrir le visage ام لا الشيخ الألباني il a pas forcément raison رحمة الله عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه il a pas forcément tort attention à الهوى بعض الناس ils ont même pas étudié la مسألة لا الشيخ الألباني il a tort لماذا لأن الشيخ un tel il a dit أو beaucoup de savants ils ont dit لا ادرس المسألة demande si tu sais pas lis fais des recherches et ça يتبين لك إن شاء الله تعالى الحق celui qui a une bonne niya et il fait des recherches tu verras que al mas'ala satadhhar wa lillahi alhamd pour toi wa hakadha les autres masail amma al hawa ne pas étudier s'entêter ne pas faire d'efforts ka'anna al ba'd ils veulent pas faire des recherches li'an si c'est la réponse probablement elle va le gêner s'habituer à certaines choses iyadan billah aw wa'dhum c'est par rapport à dunya des facilités ça c'est pas min awsaf al sunni بل تتبع رخص العلماء من صفات أهل الزندقة كما قال بعض أهل العلم من تتبع رخص العلماء تزندق ربما ينسلخ من الدين ولا يدري أي recherche les choses qui arrangent même si c'est une erreur il sait que c'est une erreur de tel savant لكن ça l'arrange إما pour دنيا إما des passions إما لا On fait attention à l'hawa. وعند الاختلاف celui qui a القدرة il applique ما هذه النصيحة du Cheikh مقبل. Il avait conseillé ses élèves Allahu a'lam si ils ont fait هذا أم لا. لكن أنت si tu as la قدرة فالحمد لله tu recherches. Si tu n'as pas la قدرة tu n'as pas la capacité. لأن هذا ça demande un certain niveau في العلم. Il faut savoir rassembler les hadith et الأحاديث il faut connaître l'authenticité, le degré d'authenticité, est-ce qu'il est sahih ou la Thumma, il faut rechercher aqwal ahl al-ilm fil ahadith, donc il faut maîtriser la langue arabe, il faut connaître le kutub. Thumma, il faut avoir du ilm pour at-tarjih. Il y en a certains savants ils vont dire telle chose, d'autres savants ils vont dire telle chose. Avec hadha al-hal, alhamdulillah avec hadha al-bahth, cette recherche, ce talib ilm, il aura une réponse. Ça ne veut pas dire qu'il a forcément raison. Lakin, son effort, il l'emmènera à une réponse. Et s'il a une bonne niya, inshallah, il y aura du khayr. Et s'il s'est trompé, wahid, il lui montre. Hadihi, hi at-tariqa. Vous avez remarqué at-tariqa, faire des efforts pour rassembler l'adil, et la compréhension. C'est pour ça que Cheikh Muqbil rahmatullah alayhi قال وينظرون في أقوال الشراح. الشراح c'est ceux qui ont fait شروحات الشروحات. Maintenant tu dis شرح كتاب التوحيد. Enfin, ceux qui ont fait l'explication du kitab tawhid, ils sont nombreux. C'est des shurrah, c'est eux qu'on fait al-shurrah. Enfin, nanzur fi kalamihim. Ça nous montre l'importance de revenir à ahl al-ilm. Amma, on vient à une époque, nahnu, ahyanan yun mas'ala khilafiyya, rubbama hadha al-akh, il sait même pas qu'il y a khilaf. Rubbama yunkir ala akhih, ka annahu khalafa ijma'an min ijma'at ahl al-ilm. Ça, c'est une musibah. Et c'est déjà arrivé, et ça arrive. Pourquoi les anna had al-akh, à cause de son ignorance, il pense que ce qawl, il n'y a que ça. C'est pour ça que da'iman nansah ikhwanana an la yasta'jilu. Ne vous précipitez pas. Ahyanan, on pense qu'une mas'ala est wadiha. Thumma, avec des recherches, tu t'aperçois qu'il y a un khilaf, tu t'aperçois qu'il y a plusieurs aqwal, tu t'aperçois peut-être que le délil que tu connaissais, il est va'if, ou hakada, et en fait, l'avis que tu connaissais, il n'est pas juste. C'est pour ça, la yasta'jilu. Mais ça, al-fiqh, ça demande شيء من الاطلاع من العلم من البحث. فلا تنكر على أخيك مباشرة. لا. On répète souvent, au lieu de faire un inkar, t'adab مع أخيك, un bon comportement, et demande-lui. Ya أخي, je t'ai vu faire telle chose, ou tu dis telle chose, explique-moi, je ne connais pas cette masala. Et anta, si t'es à la ilm, alhamdulillah, tu lui montres. Si t'es pas à la ilm, vous recherchez ensemble, wa hakada. Et aslan, celui qui fait une chose, il doit être à la ilm. Même si tu te rappelles plus, au moins tu as un mardi. On vit à cette époque. Et d'autres, ils pensent que les masa'il, où ils n'ont pas donné les recherches, un autre, ils n'ont pas le qudra, de cette nasiha de Cheikh Muqbil, on fait des efforts fil ilm. Et celui qui ne connaît pas, qui n'a pas étudié, qui ne maîtrise pas un sujet, فَلَا تَتَكَلَّمْ بِلَا عِلْمِ. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ. Tu n'as pas le droit de t'avancer, de parler dans une mas'ala où tu n'as pas de ilm. Si on te demande, Allahu a'lam. Si un frère, il fait une chose, tu n'as pas de ilm, le mieux, bel wajib, c'est de se taire. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره. Celui qui a vu un munkar, tu fais at-taghyir, si tu peux, avec la main, avec la bouche ou avec le cœur. على حسب القدرة. لكن vous avez remarqué que le Nabi صلى الله عليه وسلم قال من رأى, si tu as vu ou tu as entendu, a été à la ilm. أما البعض se précipite, ينكر على وعد الإخوان أنه il a fait telle chose. Et si tu viens à rechercher le mas'ala fi khilaf, il faut étudier ayna al-haq ayna al-dalil. Au lieu de se précipiter à réprimander tel frère, on fait des recherches. Hatta si on parle, c'est bi'ilm. Si on encourage, c'est bi'ilm. Si on réprimande, c'est bi'ilm. Hatta on se tait, c'est du ilm. Comme a dit ba'du al-a'imma, qawl Allahu a'lam, c'est nisfu al-ilm. Et sahih. Et la haqiqa, c'est une porte tayyiba pour ne pas tomber dans le fitna. Tu ne sais pas, Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala qala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ta capacité, c'est telle chose ne dépasse pas. On te demande sur une chose, tu ne sais pas, Allahu a'lam. Tu vois quelqu'un, il fait une chose, tu ne sais pas. On parle, nahnu, fi al-ibadat, fi al-ilm, fi al-din. Amma si c'est un munkar, il fait une ma'asiyah, la shak, si tu peux, tu lui montres. Lakin une chose que tu ne sais pas, il fait quelque chose dans le salat, il fait quelque chose fi al-hajj, et tu ne sais pas, ne te précipite pas. Si tu lui demandes pourquoi, il te montre, alhamdulillah, amma se précipiter. Ahada, c'est un bab char. Al-ilm, kama la yakhfa, c'est très très vaste. C'est comme un océan ou akthar. Al-mushkil al-ba'd, ils connaissent qu'un peu, et yadhunnun anna al-ilm, c'est que ça. C'est pour ça que quand tu sors d'une chose qu'il connaît, mathalan, une mas'ala fi salat, huwa, il connaît qu'il faut faire telle chose. Si tu cites une chose qu'il ne connaît pas, yadhun annahu, c'est forcément faux. Et ça, c'est grave. On doit donner de l'importance au ilm et à ahlul ilm. Si on rejette tout ce qu'on ne connaît pas, on va rejeter beaucoup de choses. Les annahs, on ne connaît pas grand-chose. Là, tu ne dois pas rejeter. Tu dois demander, faire des recherches. Khassatan, quand le kalam il vient de ahlul ilm. Amalbard, il pense que tel cheikh, il a toujours raison. Si c'est une parole qui sort de la fatwa de ce cheikh, كأنه سيدو جهل. Et ça c'est très très grave. Ça vient de quoi? Ça vient d'un manque في العلم. Un manque de respect envers l'ilm et envers أهل العلم. أما celui qui connaît l'ilm ويحترم أهل العلم في مسائل الخلاف il a un adab. Il écoute tel shir et si un khilaf il écoute l'autre. On parle ulama أهل السنة. Et à la fin avec les recherches alhamdulillah il s'apercevra أن القول صواب سكدا لأن الدليل سكدا وهكذا والله المستعان. قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه وقد بلغني أن أهل السنة الذين يهمهم أمر المسلمين في غاية من الشوق إلى هذا وفي هذا إن شاء الله قطع ألسنة الحاقدين على أهل السنة الذين يسخرون منهم ويقولون إنهم يختلفون في الشيء التافه وينفرون عنهم ويلمزونهم أو ويلمزونهم بما ليس فيهم شأن المبتدعة وذوي الأهواء في كل مكان وزمان. أهل البدع دائما في كل زمان أنهم دائما ils essayent de trouver un moyen pour accuser أهل السنة. Et parmi ces choses أنهم si voient أهل السنة diverger يقولون انظر هؤلاء. Il diverge pour des choses d'afiha, comme a dit Cheikh Mokbel. Et des choses où il n'y a pas une grande importance. Si c'est du din, il y a une importance. Lakin, on doit faire attention à ne pas diverger sans ilm. Mais la divergence, ça arrive. Mathalan, Cheikh Al-Albani, il a divergé avec Cheikh Ibn Baz dans certaines masailles. Rahmatullah alayhi. Ça arrive. Lakin, Ahlul Bida', ils ont du makr. Et ils salissent l'image quand ils voient des frères min ahle sunnah et ils divergent. Et cette divergence, elle les pousse au hajj. Et elle les pousse, Obama, à ne plus se passer le salam. Alors que le mas'ala fiha sa'a. Le mas'ala sa'a. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi cette dureté qui n'est pas à sa place? Al-rifq, al-rahma avec ton frère. Et tu essayes de connaître al-haq ou al-nasiha, il y a des étapes. Ahle bid'a, quand ils voient ahle sunnah divisé entre eux, yafrahoun. لماذا؟ لأنهم سيد خبثاء. Ils veulent pas le haq. والنصرة الحق. لا. Ils aiment bien quand ils voient السني. Il a un problème avec son frère. قال الشيخ مقبل أنهم ينفرون عن أهل السنة وقد ساق عنهم ابن قتيبة رحمة الله عليه في كتابه تأويل مختلف الحديث الشيء الكثير من السخرية بأهل السنة. فإياك que tu sois un سبب أن أهل البدع ils se moquent de أهل السنة. Et tu es un sabab. Ou tu es un sabab. Tu éloignes al-awam min as-sunnah. Avec ton comportement. Avec ta mauvaise compréhension. Ton comportement عند الخلاف مع أخيك. Les gens, ils regardent. خاصةً as-sunni. Quand il fait une chose, il est regardé par l'awam. S'il fait une mauvaise chose, vous avez remarqué. Ils disent انظر هؤلاء. Soi-disant, ils suivent le sunnah et ils font telle chose. Enfin, on a une responsabilité. Et nous, on ne fait pas pour eux. On fait l'Illah. Lakin, on a une responsabilité. Fa'ilmun, ma'a adabin, rahma rifq, et nush, nasiha, et ta'awun. Et le khata, il est rejeté dans tous les cas. Celui qui se trompe, le khata, il est rejeté. Lakin, il y a une manière. Une manière pour monter à ton frère s'il s'est trompé. Même si on sort du sujet que Cheikh Mokbel rahmatullah alayhi il a cité, un frère il fait une erreur claire, belle une ma'siya ou une bid'a, est-ce que ça veut dire on se comporte avec lui qu'annahu c'est plus notre frère? Ça arrive. Là, on lui montre. Al-bayan fihi khayr. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال الدين النصيحة وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان. À ton frère s'il a une faiblesse ou une mauvaise compréhension ou Shaymin al-Hawa qui est rentré dans son cœur, c'est là que tu es utile, mais idnillahi azza wa jal pour lui. Est-ce que ce frère qui est en train de tomber, on le finit, on le pousse? Là, c'est pas min sunnat nabiyina sallallahu alayhi wa sallam, fi shay. Là, on le conseille, nasbir, on lui montre, on l'encourage, et inshaAllah, ça sera un khayr pour lui. Et vous verrez que si on applique hada, dans beaucoup de cas, ce frère, il revient. Ah, mais un frère, il est déjà en faiblesse, mesquine. Il a des problèmes, Robama. Il a fait cette ma'siya, il a fait cette bid'a, il a mal compris. Et nous, on le finit, Robama, le shaitan, il te salat alayhi, et personne pour l'aider, et son cas, il s'aggrave. On n'a pas le droit. On n'a pas l'envie à ça. قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. Bien sûr, sans faire de concession. C'est une erreur, c'est une erreur, c'est une bid'a, c'est une bid'a. Lakin, montrer, c'est une chose. Amma, empirer, détériorer la situation akfa, c'en est une autre. قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه وقد مات النظام وأبو الهذيل وغيرهما من أعداء السنة وبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء صافية لم يضرها سخريتهم وسيموت أعداء السنة المعاصرون. Ça c'est une taslia pour le sunni. En les attaques de Ahl al-Bida' wal-Kafara wal-Zanadiqa wal-Juhal, ça ne doit pas te faire reculer ou tu désespères. Abadan. Awlan, i'lam annahum, c'est des bachar comme toi. Ils peuvent rien te donner, rien t'enlever. Tawakkal ala Allah. Thaniyan, anta tu fais, c'est pas pour eux. Wa'lam anna, si tu écoutes ceux qui te critiquent, fa un autre groupe il te critiquera. لأن رضا جميع الناس غاية مستحيلة كما يقول بعض أهل العلم. أنا كنت كل من سوى satisfait de toi, oublie هذا. النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا فيه الكفار والمنافقون بل طعنوا في رب العالمين عز وجل. ما بالك أنت. On ne doit pas reculer à cause de هؤلاء. Avance أخي الكريم, توكل على الله. كذلك اعلم أن الحق منصور والباطل مكسور. الحق il aura toujours le dessus. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق ظاهرة dans certaines روايات. هذه الفرقة الناجية c'est أهل السنة السلفيون, ils auront toujours le dessus. لكن ça arrive des moments أن أهل البدع يطعنون بقوة وربما المسألة تلتبس على الناس. Et il y a chez min al-dha'a. Lakin, ça passe. As-sabr. C'est muhim. Kadhalik, fais attention de ne pas écouter à ce qu'ils disent. Li anna al-qalb dha'if. Ne leur prête aucune attention. Ton temps, al-ilm. Passe-le fil al-ilm. Fil muraja'a, fil al-hifz. Et si un khilaf recherche bi-insaf ou bi-haq. Amma, t'écoutes ce que Ahlul Bida' ils ont à dire, que ce soit l'Ikhlawan ou Soufiya ou Ghayruhum min Ahlul Bida' wal Ahwa, tu vas perdre ton temps. Kalamuhum, il n'est pas basé sur l'ilm, bel c'est des choubouhat, wal qulub da'ifa. Et on n'est pas à l'abri. Enfin, ne prête aucune attention à ce qu'il dit. Si t'as un ishkal, et ça arrive, t'as un problème, t'as du mal à comprendre le mas'ala, reviens à Ahlul Ilm. On a dit, anna al qulub, rubbama tamrad. وطبيبها أي طبيب القلوب سل أنبياء وأتباع الأنبياء. ربما الإنسان il a des doutes ou une shubha ou quelque chose qu'il n'a pas compris, tu reviens à أهل العلم. C'est comme des docteurs, des médecins pour le corps humain. فهم سأطباء القلوب et ترتاح. كذلك الدعاء. السني fait beaucoup de دعاء لأن on vit à une époque il y a beaucoup de fitan. فلا تظن أنك tu es معصوم أو tu peux pas tomber في الخطأ. نعوذ بالله. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. Tant que tu es vivant, tu n'es pas à l'abri de la fitna. Celui qui est à l'abri, c'est celui qui meurt على التوحيد بإذن الله جل وعلا. أما tant qu'on est vivant, on n'est pas à l'abri. لهذا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala thabat. Et on aime pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Et celui qui a de la rahma envers les autres, Allah yarhamu. Comme j'a'a fi al-hadith. Et beaucoup d'adillah fi hadha al-bab qu'on a déjà cité. Wa lillahi alhamd. Qala al-shaykh Muqbil. Wa tabqa sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li anna Allah tadammana bi hifdhiha. Faqal. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تستفيد من هذه الآية أن تركت على السنة تسوي quelque chose de محفوظ, quelque chose qui est préservé. أما أقوال الرجال والآراء, c'est pas محفوظ, ça peut être correct, ça peut être une erreur. أنت fais des recherches pour suivre la révélation et pour suivre النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل تسرى سر لا فيريتي. Tout ça en revenant à أهل العلم. قال والذكر يشمل الكتاب والسنة إذ كلاهما وحي من عند الله قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه هي نعم سفيخس إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سانغلوب الكتاب والسنة لأن السنة كذلك من وحي الله عز وجل قال رحمه الله هذا ولسنا نطالب أهل السنة المعاصرين أن لا يختلفوا في صحة الحديث وتضعيفه وأن لا يختلفوا في فهم الأدلة فإن هذا أمر قد اختلف فيه سلفهم رحمهم الله كما هو معروف من سيرتهم ça montre Cheikh Mouqbil il veut conclure il veut finir هذه الرسالة pour démontrer أنه الاختلاف يقع dit la divergence à l'arrivée. Et il a cité l'exemple de As-Salaf. Ils ont divergé dans certains points. Bel al-Mala'ikatu al-Kiram. Ils ont divergé dans cette mas'ala, il va citer Ad-Dalil. Hada, il veut nous montrer, rahmatullah alayhi, an al-ikhtilaf sa'ari. On ne peut pas être d'accord sur tout. Limadha li'an al-afham takhtalif. On n'a pas la même compréhension. Mathalan, les doros qu'on fait sur Al-Siyam, il y a des sujets, peut-être qu'on n'est pas d'accord. Wahid, il pense qu'il faut mettre un niya toutes les nuits, Wahid, il pense qu'il faut mettre la niya au début du mois, la mas'ala qu'on a vue. Aqwal ahl al-ilm, tu étudies les adillah, peut-être que tu penses que tel avis il est plus juste. Et là, je pense l'autre avis. Est-ce que ça doit nous faire du mal, là? C'est ça que Cheikh Mouqbil veut démontrer. Même s'il y a une divergence, ça peut arriver dans des mas'ala de fiqh. Walhamdulillah, al-manhaj wahid, wal-aqida wahida. Et notre amour envers ahl al-ilm wahid. Et on a le même objectif. C'est Nusrat Hadad Din ou Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça arrive, on diverge fi masail, fi salat, fi al-hajj ila akhir. Lakin, est-ce que ça va impliquer al-hajr, wa al-taqatu' wa al-ta'n wa al-sab, na'oudu billah. Ça, c'est pas min awsaf ahl al-sunna abadan. قال الشيخ مقبل بل اختلف الملائكة الكرام عليهم السلام قال الله عز وجل قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون الشاهد إذ يختصمون أي الملائكة قال وخالف سليمان أباه داود عليهما السلام alors que ces deux prophètes سليمان et son père داود عليهما السلام قال الله سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما ففهمناها سليمان à l'arrivée cette divergence est-ce que ça a fait du mal أبدا وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما أبناهما أي deux femmes et il y avait un enfant. جَاءَ الذِّئْبْ فَذَهَبَ بِبْنِ إِحْدَاهِمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا Chaque femme elle avait son enfant. Et الذِّئْبْ c'est le loup. فَجَاءَ فَأَخَذَ أَحَدُ الْأَبْنَى Il a pris un des deux bébés. فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِبْنِكْ Une des deux femmes elle a dit à l'autre, le loup il a pris ton enfant. Donc l'enfant qui restait, il y a eu une divergence. C'est qui sa mère? Enfin, chacune, elle prétend que c'est son enfant. قال فخرجت على سليمان ابن داود فأخبرته تستفيد من فائدة عظيمة أن عند الاختلاف même dans des sujets هكذا de الدنيا tu reviens أهل العلم. C'est quoi le حكم? Enfin, ces deux femmes, elles sont revenues à سليمان عليه الصلاة والسلام. أي, c'est lui qui va trancher بعلم. L'enfant, il revient à qui? قال فقال آتوني بالسكين أو قبل ذلك نعم أنا أولي إن فخاص فتحاكم إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك on avait oublié de lire هذا لا شك أن une de ces deux femmes elle ment لأن la mère elle sait c'est qui son enfant فإن des deux elle a menti l'autre elle était صادقة فتحاكم إلى داود Ils sont revenus à Daoud, le père de Suleyman, alayhi salatu wa salam. فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى Daoud, alayhi salatu wassalam, il a jugé un enfant, c'est l'enfant de la plus grande. Et c'est la plus grande, une des deux femmes qui était le plus âgée, c'est elle. C'est elle qui a raison. Donc l'autre, elle ment. Qala, fakharajata ala Sulayman ibn Daoud, fakhbarata. Elles sont parties voir Sulayman, le fils de Daoud, alayhi salatu wassalam. Fakala, atuni bis sikkin, ashukkahu bainahuma. Sulayman, alayhi salatu wassalam, il a demandé un sikkin, un couteau, et il tranche l'enfant. Il le coupe en deux. Chacun le prend une partie. Andhuru al-hikma. Hada, ça va pousser la femme sadiqa à quelque chose. Et la femme qui est véridique, elle acceptera jamais que son enfant soit coupé en deux. Qalat, as-sughra, la taf'al. Et la plus jeune, elle a dit, là, ne le fais pas. L'imam, c'est son enfant, elle tient à lui, elle ne veut pas qu'il soit coupé en deux. Sulayman, quand il a entendu cette femme la plus jeune dire, ne le coupe pas en deux, il a su que c'était la mère. Léana, la mère, elle acceptera jamais cela pour son fils. Faqalat, la taf'al, yirhamukullah, huwa ibnuha. Et elle a dit, là, ne le coupe pas en deux. C'est son fils, elle le garde. Tout ça pour qu'il soit préservé. Faqadha bihi lis-sughra. Sulayman, après avoir entendu cette femme dire hadhihi al-kalima, il a dit c'est son fils. Et elle a récupéré son fils, walillahi alhamd. Tastafid anna 'inda al-ikhtilaf, tu reviens à ahl al-'ilm. Et celui qui aura raison min ahl al-'ilm, c'est celui qui a al-hujja. Fa Sulayman, alayhi salatu wasalam, en prétextant qu'il allait couper cet enfant en deux, il y a une qarina, un indice qui a montré que la mère c'était la plus jeune. Léana, l'autre, elle n'a rien dit. Léana, ce n'est pas son enfant. Et elle était prête à cet enfant, il meurt. Et l'essentiel, c'est que la plus jeune, elle ne le récupère pas. La plus jeune, elle a délaissé son haq. Sulayman, il a compris. Anna, c'était la mère. Ça montre, Anna, quand il y a un jugement entre deux personnes, l'ulama ou al-qudha, les juges, ils regardent des qara'in. Est-ce qu'il y a un indice, est un dalil dans cette histoire? Qala Abu Huraira, radiyallahu anhu, in sami'tu bis sikkin. إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. أبو هريرة رضي الله عنه قال avec ce hadith, c'est la première fois qu'on entendait le mot sikkin en arabe, un couteau. أما أبو هريرة رضي الله عنه قال, à leur époque ils disaient المدية, et ils ont appris ce mot. فهذه نصيحتي لإخواني في الله أهل السنة وأسأل الله لهم النصر والتوفيق. نصيحة طيبة de Cheikh Muqbil. Et on a besoin de lire ce genre de nasa'ih de nos imams, les imams de la sunna. Fiha fawa'id kathira. Combien de rappels, combien de hadith, combien de versets il a cité, rahmatullah alayhi. Des choses, rubama nahnu, on n'y pense pas. Lianna kalam ahl al-ilm, il est fondé sur al-ilm ou al-khibra. Et ils veulent le bien pour l'umma. Fa nahnu, en tant que mu'minun, en tant que ahl sunna, on doit revenir à haoula. Lire leur nasa'ih. Comme mes nasa'ih, Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, il a fait de son vivant. Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi. Cheikh Muqbil. Cheikh Ibn Uzaymin. Ghayrhum min a'immati sunnah. Des conseils, que ce soit en audio, que ce soit en livre. Walillahi alhamd. Tastafid min hadha. On doit faire attention, ya ikhwan, al-ghafla. Al-ghafla. Même si tu te lèves l'ilm, fais attention à al-ghafla. Da'iman revenir à ahl al-ilm. Écouter leurs conseils. Et lire mitla hadhihi al-masail, des sujets, que ce soit sur l'ijtima', que ce soit sur tazkiyat al-qulub, que ce soit sur at-tawakkul, que ce soit ce genre de sujets qui font revivre les cœurs. Attention, qaswatul qulub, ce cœur, s'il n'est pas entretenu, comme on a étudié ensemble, wallahi alhamd, dans la dernière kalima qu'on a fait, rubbama il devient noir, rubbama il durcit. Et un cœur dur pendant une fitna, c'est très très compliqué. Et ce haq, il ne trouve pas la place. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, il compare souvent les cœurs, c'est comme des récipients. Et pour qu'un récipient, il accepte une chose, il faut que ce récipient, il soit prêt. Mais un récipient qui est plein, il n'accepte pas, il n'y a plus de place. Hakad al-Qalb, s'il n'est pas préparé à la vérité, rubbama al-haq ya'ti, et ce cœur, il ne peut pas l'accepter. Vous avez remarqué que dans certains masail, rubbama al-haq il est wadih, et certains cœurs malades, nas'alullah al-afiya, ils n'acceptent pas. L'imam d'aller en le cœur, il n'y a plus la place. On fait attention et on revient à Ahl al-Ilm et on demande à Thabat. Ad-du'a, c'est muhim. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve, qui nous écarte des fitan, qui nous facilite subul al-Ilm wa al-Amal. Et Inch'Allah, celui qui a une bonne niya et son but c'est le haq, il sera à la khayr. Il se trompe, il revient. Il ignore, il demande. Jahila shay'an yas'al. Akhta'a yardi' yatoub. Il a eu un mauvais comportement, yatadir. Hakada, il avance, alhamdulillah. Lianna, l'être humain, mahma fa'al, même les efforts qu'on fait, qu'on fera ou qu'on veut faire, al-naqs hasil, wad-da'f. ملازم للإنسان لازم للإنسان هكذا الإنسان لا يتكخي من ضعف وخلق الإنسان ضعيفا خلق الإنسان ضعيفا لتخمي لا يتكخي فبل لكن les efforts et العاقل quand il y a un problème il le règle quand il y a un problème il cherche et il trouve une solution بإذن الله عز وجل نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك